terrible à s'écrier. Quand on sait que l'horreur est à 2 heures d'ici, sachant que sous les ruines des immeubles éventrés, ceux que l'on assassine aspiraient à la paix. Grand naïf par nature, je nous pensais tous frères, au-delà des cultures, au mépris des frontières, du passé retenir des leçons salutaires, pour ne pas reproduire les erreurs de nos pères. Avaient déserté et devant nos écrans coupables d'impuissance, prendrons-nous un instant pour mesurer la chance de pouvoir vivre ailleurs que sous les feux croisés, d'apprécier les faveurs qu'offre la liberté.